Ça va ? Vous m'entendez ? C'est pas possible. Comme ça rame. Putain, comme ça rame. L'ordinateur. C'est dingue ça. Sorry for my computer. It's nice. Nice, right? Yeah. 2, 3, 2, 3. Send an SOS to the world. I send an SOS. I look for lyric. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. SOS to the world. My computer is very poor. Message in a bottle. Looking for lyric. But very bad computer, very bad connection, very bad. Ah, I found the hole. Just cast away. Oh là là, ça rend pas grave. Celui-là, faut chercher le morceau avant. La page suivante ne répond plus. Ah, la page ne répond plus. C'est pas gentil ça.